L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 6 juin aura lieu la journée de l'Art Nouveau à Nancy et dans cette journée, eh bien, la fanfaronne va participer et apporter un peu de musique. Au téléphone, nous avons Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous dirigez, vous encadrez cette fanfare, la fanfaronne. Parlez-nous un peu de la fanfaronne, depuis quand ça existe, où est-ce qu'on la retrouve? Alors la fanfaronne, c'est la fanfare comme on aime à le dire, la fanfare de Lillebonne. Cette fanfare existe depuis octobre 2016, un petit peu à la demande de mes élèves clarinettistes, puisque je suis clarinettiste, qui voulaient s'essayer à jouer avec d'autres instruments. Voilà, donc j'ai un peu imaginé cet atelier à la MJC Lillebonne, un atelier donc qui accueille des musiciens, soit élèves de Lillebonne ou d'ailleurs, hein, et qui regroupe tout ce qui souffle, accordéon, saxophone, tuba, flûte, clarinette, j'en oublie sûrement, il y a même un mélodica, et des percussions. Quand on parle de fanfare, on imagine beaucoup de monde sur scène ou qui participe, vous êtes combien? Alors, on sera une vingtaine, mais là, l'année dernière, on est monté jusqu'à 35 musiciens à peu près. Là, viennent régulièrement travailler une trentaine de personnes en ce moment. Et quel genre de musique vous proposez au sein de la fanfare? Alors, c'est assez varié, en fait. C'est ça qu'on aime bien. On aime bien les musiques pour danser et les musiques pour chanter. Alors, on va plutôt du côté de la musique klezmer, par exemple, mais ça peut être aussi des valses, ça peut être des bourrées, ça peut être des scottiches, donc du côté de la Bretagne. C'est au gré de nos envies, j'ai envie de dire. Voilà, essentiellement de la musique festive. Très festive. C'est l'idée de cette fanfare, c'est que c'est d'amener l'ambiance et d'amener les gens à participer aussi, c'est-à-dire à danser et à chanter. Dans ce contexte de réouverture de plein de lieux culturels, et bien sûr à l'occasion de cette journée de l'Art Nouveau, ce côté festif va être encore plus démultiplié, j'imagine. Ah bah tout à fait, et puis là, la date pour nous, elle est très importante et très symbolique, parce que le dernier concert qu'on ait fait vraiment, c'était il y a un an, c'était pour la réouverture de la Villa Majorelle. Donc ça a été le dernier concert qu'on ait fait. Donc là, on est absolument ravis de revenir dans ce lieu pour une autre renaissance, j'ai envie de dire. Alors, plus précisément, quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir et où plus précisément encore? Alors, ça sera dans les jardins du musée de l'école de Nancy, le dimanche 6 juin. Et nous, on jouera, on fera un premier set à 16h30 jusqu'à 17h. Une petite pause et un deuxième set à 17h45 jusqu'à 18h15 et puis plus si on a envie. Voilà. Et bien, on vous le souhaite en tout cas d'en faire encore plus. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets pour les semaines à venir? Alors pour les semaines à venir, je sais qu'on va jouer pour les festivités de Vendeuvre le 14 juillet. C'est un peu la prochaine date que l'on a. Puis, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates en vue, mais on est ouvert à tout, en fait. Et pour terminer, la musique que vous préférez jouer au sein de la fanfare, il y en a une particulièrement? Ah, peut-être la musique klezmer. Ouais. La musique klezmer, parce qu'elle est à la fois drôle, elle nous fait rire, mais elle nous fait aussi pleurer. Elle est vraiment une palette de sentiments qui est énorme, quoi. Voilà. Puis bon, c'est celle que moi je joue à titre personnel avec ma clarinette le plus volontiers. Et on peut vous retrouver aussi à la MJC Lillebonne alors, hein? Ah bah tout à fait, à la MJC Lillebonne. La fanfaronne répète une fois par semaine. Bon, avec le Covid, ça se passe dans la cour, mais les répétitions reprennent en ce moment le vendredi soir. Voilà, et vous avez une page Facebook, donc on n'hésite pas à aller tout à fait se renseigner, liker et suivre votre actualité. Pourquoi pas vous rejoindre un jour? Mais tout à fait. Et la page Facebook, donc c'est La Fanfaronne, simplement, avec un seul M, Fanfaronne. La Fanfaronne, merci Christelle. Mais je vous en prie, merci à vous. L'actualité annoncée ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.